La grève, les archéologues en ont trouvé les traces. Ils ont même mis au jour la plus vieille grève de l'humanité. Sur le site de Deir el-Médineh, les ouvriers œuvrant au tombeau de la Vallée des Rois stoppèrent le travail et n'hésitèrent pas à se confronter au pouvoir pharaonique. Les grévistes du XIIe siècle, avant notre ère, avaient des tessons inscrits, les ostracas. Les personnels de Radio France ont produit hier une émission spéciale « Vive la radio ». 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Connu que Franz Boas ou Malinowski, l'ethnologue Alfred Hayden a été le grand pionnier du terrain anthropologique, notamment entre Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, le détroit de Torres. Parmi bien des ouvrages publiés, on lui doit une curieuse étude intitulée « Headhunters, Black, White and Brown » parue en 1901. Les chasseurs de têtes, voici un thème étrange, étranger à notre Occident et relégué à quelques régions entre Pacifique et mer de Chine méridionale. Chasseurs de tête, coupeurs de tête, étonnante spécialité liée à la violence guerrière la plus exacerbée, aujourd'hui celle de Daesh notamment. L'anthropologie d'Alfred Hayden nous montre la diversité des cultures et de leurs pratiques. En est-il de même pour l'archéologie ? Après un siècle d'études et de réhabilitation, les Gaulois pourraient-ils être eux aussi des chasseurs de têtes ? Nous en discuterons avec Réjeanne Roure. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, vous êtes proto-historienne et venez de publier, entre autres dans la revue Archéopage, quelques pratiques toutes barbares exhumées sur un site du Gard. Les archéologues découvrent parfois d'étonnantes pratiques religieuses, ressort de la conscience collective. Bien plus complexe est pour eux de mettre en lumière des rites, Réjeanne Roure. Oui, les archéologues préfèrent toujours parler de pratique parce qu'en effet, ce qu'on découvre, c'est les traces laissées par les gestes, mais pas la pensée qui est derrière les traces. Et les archéologues, notamment ceux travaillant sur le monde funéraire, donc les archéothanatologues, comme ils s'appellent maintenant, ont bien souligné qu'il fallait parler de pratique funéraire et non pas de rite funéraire parce que, encore une fois, ce qu'on voit, c'est les traces. Mais ils ont montré aussi que l'étude de ces pratiques était vraiment extrêmement intéressante et nourrissait aussi la connaissance de ces populations, même si il nous manquera toujours une explication derrière les gestes qu'on peut reconstituer. Alors là, vous me parlez du funéraire, mais vous ne me parliez pas du religieux. Il y a aussi le religieux. Il y a aussi le religieux. Alors c'est vrai qu'on préfère le terme de justement assez neutre de pratique rituelle parce que même parler de religion, c'est compliqué pour des populations dont on n'a pas de source littéraire directe. Et c'est le cas des Gaulois. On les connaît par l'archéologie et par ce qu'en ont dit les Grecs et les Romains, alors qu'ils nous apprennent des choses sur des dieux gaulois, sur la religion. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas si les Gaulois avaient une religion au sens propre, c'est-à-dire constituée avec un clergé, en tout cas pas une date récente. Il y a des choses qui se mettent en place. Tout le monde connaît les druides, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'interrogations encore sur le moment où ils apparaissent. Et donc, on préfère parler, notamment pour des périodes un peu plus anciennes, de pratiques rituelles. Le rituel a été au cœur de la recherche dans les années 60-70, puis banni. On y revient à voir une exposition, par exemple, que vous aviez organisée voici 4 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un retour de balancier, comme souvent dans nos études. Les années, je dirais même 60-80, ont été très marquées par l'économie. Hein. On était en pleine période marxiste chez les archéologues. Et c'est vrai que ça a été l'économie, le commerce, les échanges qui ont été un peu au centre de toutes les recherches, de tout ce qui a été fait à partir de la céramique, tout le potentiel qui a été montré là-dessus. Et c'est vrai que tout ce qui concernait ce domaine du sacré, des pratiques rituelles, a été un peu mis de côté. Notamment dans le Midi, il faut le dire. dire, hein, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu un retour, une volonté justement de prendre en compte cette dimension des populations dont on sait qu'elle a existé, même s'il est difficile d'en parler, même si les traces sont ténues et que les explications qu'on peut donner seront toujours simplement des hypothèses, mais c'est un domaine qui s'avère extrêmement riche et le caractère répétitif de certaines pratiques rituelles permet de les identifier comme telles et de voir que c'était des choses qui étaient importantes dans la vie quotidienne même de ces populations. 2700 fragments osseux sur un site et sur une fouille, cela n'est pas beaucoup, mais cela devient bien plus important quand on sait qu'il s'agit de l'homme. Oui, et c'est vrai que le site du Kellar, donc, sur lequel je mène des recherches depuis plus de 10 ans maintenant, avec toute une équipe qui a permis de révéler, entre autres, un dépôt d'armes et de têtes coupées, parce qu'il s'avère que ces milliers de fragments donc, correspondent uniquement à du crâne. Donc ça, c'est les anthropologues qui étudient ce matériel qui peuvent le déterminer, donc Elsa Sieselski, Henri Dudet, Sandrine Le Norzer, qui ont montré que tous ces fragments correspondaient en fait à un minimum de 50 individus. Donc ça fait pas tant que ça non plus, c'est que comme souvent en archéologie c'est très fragmenté, c'est des petits morceaux, mais tout le travail des anthropologues et des archéologues c'est d'arriver justement à tirer des informations de ces fragments. Et là en l'occurrence on a vraiment que des fragments de tête avec des traces évidentes d'ailleurs qui permettent de dire qu'il s'agit de têtes coupées. Réjeanne Roure, le Kellar serait un comptoir fortifié, de quoi s'agit-il ? Alors un comptoir, c'est un lieu d'échange et de commerce avant tout, et à partir du 6e siècle avant notre ère, plusieurs commencent à se développer sur tout le littoral du Languedoc, en lien avec le développement des échanges avec Marseille, grec, fondé par les Grecs en 600 avant notre ère, avec les Étrusques aussi. Et il y a toute une dynamique qui se met en place à cette époque. Il y a le comptoir de Latte, la Tara, qui est un des mieux connus parce que fouillé depuis plus de 30 ans. C'est un programme de recherche phare de notre laboratoire, d'ailleurs archéologique, des sociétés méditerranéennes, que l'étude de ces comptoirs fortifiés où s'échangeaient les marchandises méditerranéennes, donc du vin en particulier, dont on retrouve les traces à travers des milliers d'amphores qui se trouvent sur ces sites. Et qui sont ces Gaulois ? On les connaît ? Alors, on les connaît par les traces qu'ils ont laissées. Après, c'est toujours compliqué de savoir à quelle population on a affaire. On a des textes récents qui nous disent qu'on est dans la région occupée par les Volcarés comiques. C'est un nom qui apparaît dans les textes au 3e siècle avant notre ère. On est en fait dans la Celtique méditerranéenne, ce que les archéologues et les historiens reconnaissent aujourd'hui comme un des lieux, en effet, de cette vaste Celtique. En tout cas, c'est le nom sous lequel les Grecs qui débarquent désignent cette contrée. Comment se présente ce site ? C'est un site fortifié, d'après ce que vous me disiez ? Alors, site de hauteur, j'imagine ? Non, justement, c'est un site de plaine. Il était au bord de la lagune. En revanche, il y a un rempart dont on a retrouvé les traces, un rempart de pierre lié à la terre, dont on a retrouvé les traces dans la fouille de la place de la Saint-Jean ces dernières années. Donc, on a une portion de ce rempart, mais grâce au paysage, on restitue un site qui n'était pas très grand, qui devait faire 1,5 hectare à 2 hectares, installé donc au bord de la lagune, ce qui lui permettait de recevoir les marchandises provenant des échanges avec la Méditerranée, et qui était aussi au confluent, qui a été installé au confluent de 2 fleuves côtiers de la région, le Vistre qui vient de la région nîmoise. Or, on sait que Nîmes, qui sera justement capitale des Volcarés comiques au 1er siècle avant notre ère, était déjà un site gaulois important. Et puis l'autre fleuve, il est un peu moins connu, c'est le Rhône, mais il arrive d'une région lavonnage où Michel Pille avait fouillé dans les années 70-80 toute une série de sites gaulois de la même époque. On connaît sa chronologie. D'après ce que j'ai lu, votre événement, les fameuses têtes coupées, daterait du 3e siècle, mais il y a du plus vieux et peut-être aussi du plus récent, visiblement très abîmé. Oui, le site est occupé depuis le 6e siècle avant notre ère. On ne connaît pas encore la date de fondation exacte. Ça va faire l'objet des prochaines campagnes de fouilles qui seront menées sur ce site. Mais on sait qu'il est occupé sans discontinuer durant le 5e siècle, le 4e siècle, le 3e siècle avant notre ère où donc on a mis en évidence ce dépôt d'armes et de têtes coupées. Et puis sur le second 1er siècle, il y a des traces un peu moins évidentes, mais il continue à être occupé aussi à l'époque romaine. Il y a des inscriptions funéraires qui avaient été découvertes au nord du village, même si c'est une phase qui est beaucoup moins connue à l'heure actuelle. Où ont été trouvés ces ossements ? Comment se présentaient-ils ? À la fouille, les crânes apparaissent ? Ils sont regroupés, par exemple ? Non, c'est plutôt quelque chose d'assez dispersé parce que ces crânes, en fait, nous, on les a retrouvés dispersés sur une surface assez large, hein, qui faisait plus de 200 mètres carrés, qui devait correspondre à une sorte de place publique installée contre le rempart. Ce dont on est sûr, c'est que c'était vraiment accolé au rempart. On se demande même si des têtes n'ont pas été exposées sur le rempart, ce qui aurait aussi une valeur de, un peu de dissuasion vis-à-vis des ennemis. Mais en tout cas, on est quand même à l'intérieur de l'habitat. Ce qui est certain, par la topographie, c'est qu'on est à l'intérieur. Une sorte de place sur laquelle pouvaient se dérouler diverses activités, mais où ces crânes ont été installés. Bon, j'ai dit qu'il y avait 50 têtes tout à l'heure, mais on sait aussi que cette place et ces expositions ont duré durant un siècle. Donc ça ne fait pas tant de têtes que ça. Il devait y avoir quelques têtes exposées. Et puis, de temps en temps, ces têtes se retrouvaient par terre, étaient enterrées. Et puis, on en exposait de nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui a duré donc, pendant plus de 100 ans. Réjeanne Roux, vous me dites habitat. Il ne s'agirait dans ces cas-là pas d'un sanctuaire ? C'est pas un sanctuaire. C'est peut-être un espace sacré à l'intérieur d'un habitat. Alors, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne connaît rien d'autre du 3e siècle avant notre ère, pour l'instant, sur ce site du Kélar, parce que tout ce qu'on a fouillé dans la zone de fouille qui nous est dévolue, on est quand même au cœur du village actuel du Kélar. C'est uniquement cette place publique avec des expositions d'armes et de têtes coupées. Mais il y a plusieurs autres indices qui font penser qu'il y avait un habitat et qu'on est à l'intérieur de l'habitat. Il y a aussi les comparaisons avec d'autres sites de Gaule méditerranéenne où, contrairement à ce qui se passe dans le Nord, c'est vrai que ce n'est pas des sanctuaires extra-urbains installés dans le territoire. C'est plutôt des espaces qui sont à l'intérieur de l'habitat et justement contre le rempart. C'est le cas à Pechmao, c'est le cas à Entremont, à Roquepertuse également. Réjeanne Roux, peut-on avoir une idée des individus, des hommes, des femmes ? Probablement pas d'enfants. Probablement pas d'enfants. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel l'âge de ces individus, sur lesquels les anthropologues peuvent répondre, parce que l'analyse des dents, des sutures osseuses, permet de dire qu'en effet, c'est uniquement des adultes. Il y aurait un adolescent. Mais en revanche, pour la question des hommes et des femmes, comme on n'a que des morceaux de crâne, l'anthropologie ne peut pas répondre de façon définitive à cette question. Même si rien n'exclut la présence de femmes, mais si on se réfère au contexte guerrier, aux textes qui nous disent que les Gaulois, c'était quand même plutôt les hommes qui partaient au combat et qu'il s'agit de têtes récupérées sur le corps de l'ennemi, donc ce serait plutôt des hommes. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Réjeanne Roux, vous écrivez « La présence de femmes n'aurait d'ailleurs rien d'incompatible dans le caractère guerrier. Cela rappelle les femmes cindres qui, elles aussi, se battaient. » Oui, même si, alors comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on ne peut pas être certain qu'il n'y a pas de femmes. Il faudrait faire des analyses ADN. C'est vrai que les textes qu'on possède sur les Gaulois, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est uniquement des sources indirectes, hein, laissées par les Grecs ou les Romains, ne mentionnent pas le fait que les femmes partent au combat ou de manière très exceptionnelle. Mais en revanche, sur la nature de ces têtes, le fait que ce ne soit pas forcément que des ennemis, mais qu'il y ait éventuellement aussi des ancêtres parmi ces têtes, fait qu'on ne peut pas totalement exclure que des femmes aussi. On sait qu'elles avaient un poids dans la société gauloise, en tout cas, et donc que des femmes aient pu être là aussi. Justement, s'agit-il de têtes d'ennemis ou tout au contraire de têtes de guerriers appartenant à la tribu, récupérées peut-être justement pour ne pas finir en tête d'ennemis ? Là aussi, la réponse est un petit peu complexe. En tout cas, la réponse n'est pas définitive parce que c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas d'information directe. Et les deux possibilités existent. Alors, on a quand même le témoignage de Posidonios qui nous dit, donc un auteur grec qui a voyagé dans le Midi et qui a vu des têtes coupées. Il nous dit que les Gaulois amassaient la tête des ennemis sur le champ de bataille et l'exposaient dans les habitats. Donc, si on suit ce texte, c'est uniquement des ennemis. En même temps, l'anthropologie a montré que dans toutes les sociétés qui chassent les têtes, comme vous l'avez dit en introduction, il y a plusieurs sociétés qui ont été étudiées par les anthropologues et qui étaient des chasseurs de têtes. Et très souvent, quand il y a chasse de têtes de l'ennemi, il y a aussi récupération de la tête des ancêtres. Et c'est vrai qu'on a, toujours dans les témoignages littéraires, dans ce fameux passage qui parle des têtes coupées, on nous dit que les Gaulois ne refusaient d'échanger les têtes des ennemis les plus valeureux, même pour leur poids égal d'or. Or, ça signifie que les Gaulois essayaient aussi de récupérer la tête de leurs guerriers qui avaient été emportés par les ennemis, mais qu'ils essayaient de l'acheter, puisqu'on nous dit qu'ils le refusaient. Donc, on peut penser que dans certains cas, il y avait ces échanges de têtes aussi, et que donc on récupérait la tête de ses ancêtres, ou qu'en effet, on l'a découpée pour l'exposer également à côté de celle des ennemis. Réjeanne Roure, vous allez tenter des études isotopiques qui permettraient de définir la provenance de ces têtes et donc de ces corps. C'est un projet en cours avec l'Université de Chicago et un doctorant qui a démarré une thèse justement pour essayer de caractériser les isotopes de Gaule méditerranéenne et essayer de répondre à cette question. Vous attendez à quoi ? Question dure. Oui, question difficile. Oh, vous avez quand même un sentiment. On peut s'attendre à ce que ce soit plutôt des... Il devait y avoir des ennemis. Alors ça, ce sera difficile à dire, parce qu'on sait aussi que les Gaulois bataillaient beaucoup entre eux. On est dans une période d'affirmation des territoires aussi, donc c'était peut-être des ennemis qui ne venaient pas de très loin, hein, mais qui venaient simplement du territoire ou du village voisin. Même si ça peut être aussi, en effet, des Grecs ou des Romains qu'ils ont affrontés. Pourquoi pas des Carthaginois, puisqu'on sait que les Gaulois étaient employés comme mercenaires à la fois par les Carthaginois et les Romains. Parlons de décollation. Comment ces têtes ont-elles été séparées ? Alors là, les anthropologues mettent en évidence des traces assez nettes de découpe avec des instruments tranchants et très tranchants. Il y a une décollation qui se faisait, en tout cas pour ce qui a été vu au Kellar, plutôt par un coup assez fort donné à l'arrière de la tête, puisqu'on a des impacts en fait, de la lame qui devenait buter contre la branche arrière de la mandibule. Donc il y a vraiment l'os qui est parfois tranché de façon extrêmement nette, hein, et qui montre que c'est quelque chose qui a été fait juste après la mort, sur ce que les anthropologues appellent des os frais. Ces découpes sont accompagnées d'ailleurs d'autres traces liées, elles, à la préparation de la tête. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a des petites entailles, notamment sous les mandibules, que les anthropologues proposent de lier à l'enlèvement de la langue, à l'enlèvement aussi peut-être de toutes les parties molles, en fait, éventuellement à la récupération du cerveau, de sorte à préparer les têtes. Et c'est vrai qu'on pense qu'il ne faut pas forcément imaginer des têtes toutes sanguinolentes qu'on vient de couper et qu'on pose sur une pique, mais toute une série de préparations, et là on commence à entrer vraiment dans le domaine des rites, qui visaient à conserver cette tête. Le texte que j'ai évoqué plusieurs fois de Posidonios parle d'embaumement, de l'utilisation d'huile pour embaumer ses têtes, et il y a des traces donc physiques de préparation qui montre que il y avait toute une série de pratiques qui étaient organisées pour que ces têtes puissent être exposées. Ces têtes sont coupées de l'arrière vers l'avant, ce qui est assez normal. C'est toujours les mêmes pratiques ou il y a des variantes ? Pour ceux qu'on peut en observer, sachant que la difficulté sur l'ensemble du Kellar, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un ensemble très très fragmenté. On n'a pas de crâne complet, contrairement à ce qui a été le cas sur le site d'Entremont, par exemple, ou à Ouillastret en Espagne, où on retrouve des crânes complets. Là, on a quelque chose d'un peu particulier au Kellar, parce que c'est très fragmenté, justement parce que c'est une place publique, un espace qui a vécu, et c'est pour laquelle on fait l'hypothèse aussi d'exposition régulière et puis de décrochage, quelque part, des têtes qui se retrouver répandu par terre. Donc, c'est pas évident de dire si c'est la même pratique, mais il y a quand même une récurrence très nette des mêmes gestes. Justement, peut-on penser que ces têtes humaines aient été enclouées à l'image de celles, par exemple, de Coblence en Allemagne ou de la cloche dans le midi de la France ? Très spectaculaire. Oui. Au Kellar, on n'a trouvé aucun indice qui témoigne de cette pratique de clouer les têtes, comme c'est le cas, en effet, dans beaucoup d'autres sites. Il n'y a pas de traces de clous, ni même de perforations. On a des petites perforations sans traces de métal, peut-être plus pour faire passer un lien en matière végétale, en cuir, en laine, qui servait à suspendre ça. Bon, sinon, on sait aussi qu'on peut suspendre des têtes par les cheveux, peut-être, ou simplement en les fixant avec des liens en matière végétale qui n'auront pas laissé de traces. Alors, ces petits trous sur la calotte crânienne, ça rappelle quand même une pratique qui a été trouvée dans le nord de la France, puisque une boîte crânienne est couverte de petits trous tout autour. Et puis il y a cet exemple de ce général romain qui a été battu en Pannonie par les Boyens, j'imagine, et dont le crâne a fini en coupe à boire, c'est bien ça ? Oui, c'est encore une mention d'un texte littéraire qui évoque ce fait. On n'a pas trouvé d'équivalent sur le site du Kellar et pas non plus dans les autres sites de Gaule méditerranéenne où il y a ce type de pratique. On est davantage vraiment là dans l'exposition de têtes au sein des habitats. Réjeanne Roure, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes proto-historienne, archéologue et maître de conférences à l'université Paul-Valéry, Montpellier, que nous évoquons ces étonnantes pratiques de têtes coupées chez les Gaulois du Midi de la France. Les Gaulois sont-ils des chasseurs de têtes? Oui, bien entendu, d'après un texte depuis longtemps disparu, celui que vous évoquiez, Posidonios d'Apamée. Oui, donc c'est un Grec dont on sait qu'il a voyagé en Gaule méditerranéenne vers 100 avant notre ère, dans la région de Marseille, au-delà, peut-être jusqu'à Toulouse, il y a plusieurs hypothèses. Le texte original de cet auteur n'est pas connu, mais on en a des passages retranscrits par des auteurs plus tardifs. Le passage sur les têtes coupées, c'est chez Strabon qu'on le trouve, et Diodore de Sicile. Et les deux passages sont tellement proches qu'on est certain, d'ailleurs les auteurs le disent, hein, Strabon dit explicitement que c'est Posidonios qui dit avoir vu ce spectacle. Et intéressant, c'est que Strabon nous dit aussi que, au départ, Posidonios, j'allais dire en tant que Grec, avait été choqué par le spectacle de ses têtes coupées, mais que finalement, au bout d'un moment, il s'était habitué. Donc, ça ne devait pas être un spectacle aussi, si terrifiant que ça. C'était quelque chose qui était intégré en fait à la culture de ces populations. Et Posidonios s'est promené dans le sud de la France, jusque dans le sud-ouest, puisque je crois qu'il a vu l'Atlantique. Oui, ça fait partie des allusions qu'on trouve en effet aux travaux de Posidonios et à son voyage qui permettent de restituer son itinéraire, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude, mais il a laissé un témoignage tout à fait exceptionnel. Donc on retrouve dans divers auteurs, comme je l'ai dit, sur la société gauloise. Et c'est de lui donc que l'on sait que les crânes étaient embaumés à l'huile de cèdre et en général contenus dans des coffres. Oui, donc c'est pour ça que par rapport aux expositions, parce que ces coffres, s'ils étaient en bois, évidemment, ils auraient disparu. On ne peut pas les retrouver, en retrouver la trace. Pour ce qui est de l'huile, on a essayé de lancer aussi un programme d'analyse avec l'Université d'Avignon pour essayer de voir, parce qu'on sait que les matières organiques pouvaient pénétrer dans l'os. Donc c'est un programme d'études qui est là aussi, des analyses qui sont en cours, même si bon, il y a beaucoup d'inconnus, parce qu'on sait que notamment, ce n'est pas forcément le crâne qui était exposé, mais la tête elle-même avec la peau, puisque c'est ce que signifierait l'embaumement. Donc ça fait beaucoup d'intermédiaires pour que ces matières organiques aient pénétré jusqu'à l'os. Mais voilà, on a quand même essayé de lancer ces analyses pour voir si ça pouvait apporter une confirmation au témoignage de Posidonios. La particularité de votre site, c'est que des armes sont aussi associées au crâne. Des armes gauloises, grecques, étrusques. Des armes gauloises, les mêmes armes qu'on trouve dans toute l'Europe celtique à cette époque, les mêmes qu'on retrouve en Suisse, en Allemagne, dans le nord de la France, dans les autres sanctuaires comme Gournay-sur-Aronde. C'est toute la planoplie guerrière qui est présente, donc le mobilier métallique est étudié par Benjamin Girard. Il montre que c'est surtout des épées qui sont présentes, des fourreaux d'épées, dont certains sont décorés. La restauration a permis de mettre en évidence ce qui est très courant à l'époque des décors gravés sur ces fourreaux. On a aussi les éléments métalliques du bouclier. Le reste du bouclier était en bois, mais on a des renforts sur le pourtour du bouclier et l'élément central qui est en fer et qui est présent. Et également des lances. Et puis ce qui servait à suspendre le fourreau à la ceinture, c'est-à-dire des chaînes de suspension. Ces têtes coupées dans le Midi serait une des expressions de la montée en puissance d'une élite guerrière. C'est du moins ce que les archéologues perçoivent. En tout cas, on sent qu'au IIIe siècle avant notre ère, il y a clairement une affirmation d'un caractère guerrier. Il y a des sanctuaires avec des armes qui sont déposées dans beaucoup de lieux à cette époque-là et dans toute l'Europe, aussi bien dans le nord que dans l'ouest, que donc maintenant dans le sud. Même si le Kellar reste à ce jour le seul site de Gaule méditerranéenne, on a trouvé un dépôt d'armes de cette sorte, accompagné d'ailleurs de pratiques spécifiques. Sur ces armes, on parle de manipulation destructive, c'est-à-dire C'est-à-dire que clairement, les armes ont été détruites, elles ont été découpées, elles ont été pliées. Parfois, la lame a été émoussée. Exposée au vent. Exposée au vent. Il y a des traces de rouille, d'ailleurs, et le laboratoire Materia Viva, qui fait la restauration de ce mobilier, nous a dit, mais c'est bizarre, on a l'impression d'arriver sur une surface rouillée quand on le nettoie. Et finalement, je dis, mais ça va très bien, en fait, avec ce qu'on restitue de ces pratiques, parce que on restitue que les armes étaient exposées à l'air libre. Là aussi, après, au bout d'un moment, elles pouvaient tomber, puis elles se retrouvaient prises dans les sédiments de la place, qui d'ailleurs devait servir à d'autres pratiques. Hein. C'est vraiment l'idée que c'était la place du village, mais sur laquelle les guerriers exposaient leurs armes. Un site tout à fait exceptionnel doit être mentionné, bien sûr, Ribemont-sur-Ancre, un grand sanctuaire gaulois du nord de la France, où des guerriers gaulois ont été exposés sans tête. Oui, et ça, c'est vrai que c'est un cas unique à l'heure actuelle, qui nous donne finalement peut-être un indice sur ce que devenaient les corps de ces guerriers dont on prenait les têtes sur le champ de bataille, parce que ce qu'on a dans les habitats, c'est les têtes qui ont été récupérées sur le champ de bataille, si on suit le témoignage de Posidonios. Et à Ribemont, ben, on a les corps sans tête. On a peut-être ce qu'on faisait des guerriers une fois qu'on avait pris leur corps et que les corps étaient récupérés et faisaient l'objet de pratiques spécifiques là aussi. Réjeanne Roux, la statuaire monumentale gauloise nous renseigne aussi sur cette étonnante pratique. Il nous faut alors, par exemple, parler du site d'Entremont. Entremont a livré... Très grand site, oui, très belle statuaire. Grand site, et qui a surtout livré, en effet, une collection de statuaires gauloises tout à fait exceptionnelle, un peu plus récente que les pratiques du Kellar, même si il y a toujours des problèmes de datation. En tout cas, les archéologues peuvent beaucoup discuter sur la datation de cet ensemble statuaire. Mais c'est vrai qu'il a livré des guerriers en une position particulière, et il a livré surtout des représentations de têtes. Il y a des têtes humaines dont on peut restituer qu'elles étaient posé sur le genou du guerrier, il avait la main par-dessus, et donc on est vraiment dans une exposition de tête, peut-être à une époque où les têtes n'étaient plus coupées physiquement, même si sur d'autres sites de la même époque on en a, mais où on se réfère à cette pratique plus ancienne. Alors cette statuaire ne peut être bien sûr pas liée aux ennemis, mais doit plus à quelques héros guerriers, on va dire les ancêtres des élites peut-être ? Peut-être, ou à des élites qui se mettent en scène, qui se représentent elles-mêmes, qui s'affirment comme une classe particulière, détenant un pouvoir, s'inscrivant dans une tradition aussi de guerriers combattants et dont la valeur guerrière était directement liée au nombre d'ennemis dont ils pouvaient ramener la tête dans le village, dans les habitats. Et donc on est peut-être dans cette expression, en effet, d'une élite qui s'inscrit dans des valeurs plus anciennes. Et puis, il y a aussi des encoches pour accueillir des masques reliquaires. De quoi s'agit-il ? Oui, on parle d'alvéoles céphaloïdes, c'est-à-dire de formes d'encoches qui ont la taille d'un crâne humain, qui pourraient recevoir des crânes humains ou une partie de crâne humain, parce que la tête complète n'irait pas forcément. Et c'est vrai que c'est en liaison avec ces piliers, ces linteaux qui sont destinés à accueillir des crânes, on a trouvé à Roquepertuse aussi, à Glanum en particulier, pour lesquels on pense peut-être plutôt là à des têtes d'ancêtres qui seraient ainsi exposées dans la communauté et qui marquerait certains espaces sacrés de ces populations. Est-ce que l'on pourrait pas même avoir des sortes de crânes surmodelés avec des vrais visages, pas en terre crue par exemple, qui viennent s'insérer dans la niche ? C'est une hypothèse qui a été proposée, notamment par Patrice Arcelin. Les arguments définitifs manquent un petit peu parce qu'on n'a pas trouvé... parce que souvent, les autres crânes du Midi, à part le Kellar, sont des découvertes anciennes. Au Kellar, comme je l'ai dit, c'est des fragments qui ont subi quand même toute une série de choses. On n'a pas la tête qui a été exposée. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'attestation archéologique très claire de cette pratique, mais ça reste une hypothèse qui pourrait tout à fait opératoire. En tout cas, les archéologues pensent que ces sculptures sont des images au service du pouvoir et des lieux de pouvoir. Oui, en partie, même si c'était peut-être aussi simplement la marque du caractère guerrier de ces populations, l'affirmation d'une volonté de domination. Mais c'est vrai que c'est lié à une croissance, à une importance croissance du guerrier dans la société gauloise à cette époque. Revenons sur juste une dernière question très rapidement sur le rite chez les anthropologues et les archéologues. Que faut-il encore trouver sur ces décapités du Kellar ? En deux mots. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est vrai que, bah, comme ça a été dit au début, on n'aura jamais la pensée qui motivait en effet ces expressions. Mais l'archéologie permet d'en restituer la chaîne opératoire. Merci beaucoup, Réjeanne Rour. La semaine prochaine, le prince de Lavaux et son extraordinaire monument funéraire sera au cœur du Salon Noir. Un prince, bien sûr, celtique, récemment découvert. Le Salon Noir était réalisé par Lise Combe, à la technique Myriam Guillot, attachée d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.